Chapitre 15e. Un convive qu'on n'attendait pas. Un ancien qui aimait ses amis a dit qu'il ne fallait pas faire grâce à ses ennemis. On se souvient que par la vertu de la pantoufle, les 8 brigands qui avaient voulu massacrer Robert avaient été changés en pierre. Pendant 1 an et 1 jour, ils avaient servi de promenoir aux colimaçons et aux vipères, mais au bout 1 an et 1 jour, ils s'étaient retrouvés vivants sur leurs pieds. Leur premier mot fut celui-ci, « vengeance ». Après avoir bien cherché, ils découvrirent le château de Robert les Vignedieux et y pénétrèrent par un souterrain le jour des fiançailles. On ne pouvait pas arriver plus à propos. Ils décidèrent que la nuit de noces, ils pendraient Robert au ciel du lit nuptial et emmèneraient la belle épousée avec ses diamants et les trésors du prince. À minuit, Suzanne, sa marraine et la fée Aurore entrèrent dans la chambre nuptiale. Pendant que Suzanne était à son prie-dieu, voilà que tout à coup Trompe-la-Mort ouvre une porte masquée par la tapisserie et apparaît suivi de toute sa bande. Suzanne poussa un cri et tomba évanouie. Mais le prince était entré. Il reconnut Trompe-la-Mort. La vue de Suzanne évanouie lui donna la force de 4 hommes. Il désarma un brigand qui avait une bonne épée et la plongea jusqu'à la garde dans le cœur de Trompe-la-Mort. La chute du chef des brigands fit trembler tout le château. Le prince ne s'était pas arrêté en si beau chemin. Quoique assailli par 4 hommes à la fois, il fit des prodiges et en tua encore 2. Rubicon, qui était entré en curieux, voulut prouver sa vaillance. Il lança une fusée dans les yeux d'un brigand qui allait frapper Robert, ce qui sauva le prince. Les 5 derniers brigands, s'imaginant que le diable en personne les attaquait, s'enfuirent par le souterrain, mais ils furent pris et désarmés. La clémence est la vertu des princes. Robert, qui n'était pas cruel, se contenta de faire pendre les brigands. Mais ce ne fut pas sans prendre conseil de Rubicon.